بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Donc on continue dans la lecture de la traduction de l'épître de Cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri hafidhahullah ta'ala, et on vient de voir une fatwa de Cheikh al-Fawzan dans laquelle il a été interrogé sur Tablir et sur l'Ikhwan, et il a beaucoup parlé de Tablir. Mais cela n'exclut pas que lui, il critique aussi les Ikhwan. Hein, et il a dit « Abra'u illallahi minhum ». Donc lorsque il a mis en garde contre eux, il a dit « Je me désavoue d'eux ». C'est-à-dire que donc un désaveu total, que lui, donc il n'agrée pas la méthodologie de l'Ikhwan qui appelle aux manifestations et qui appelle à se révolter contre les gouverneurs des musulmans et qui appelle à la rébellion. Qui appelle à ces choses. Et donc là, le Cheikh Abu Abd al-A'la, il nous cite une autre fatwa du Cheikh al-Fawzan. Il a dit, et il a été interrogé, c'est-à-dire Cheikh al-Fawzan, il a été interrogé, hafidahullah, hein, voici la question, est-ce que ces groupes rentrent sous les 72, hein, c'est-à-dire sexes perdantes, hein? Il a dit, oui, un âme, oui, tout un chacun, parmi ceux qui s'affilient à l'islam, qui contredit les gens de la sunna et du groupe, yukhalif manhaj al-sunna wal-jama'a, qui contredit les gens de la sunna et du groupe, dans sa prédication, dans sa croyance, au fondement de la foi, il rentre sous les 72 groupes. Il est concerné par la menace et il reçoit comme blâme et châtiment selon sa contravention. Walahu min al-lawm. ومن الوعيد ومن العقاب بحسب مخالفته. D'accord, donc le cheikh Hafidhahullah, il montre que ces groupes, hein, que ces groupes font partie donc des groupes perdants, des groupes, c'est-à-dire الفرق الضالة الهالكة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث, hein, في حديث فراق الأمة. C'est-à-dire le hadith où le prophète alayhi salam a montré que la umma islamique, elle se divisera en 73 sexes, hein, kullu afinar illa wahida. Très bien. Cheikh Abu Abd al-A'la dit après cela, et nous aurons avec la volonté d'Allah une occasion plus étendue que celle-ci pour réfuter les aberrations et les ambiguïtés de cette personne critique et auteur de Roulat al-Tajrih, hein, c'est-à-dire Mohamed Hassan, hein, dans laquelle nous montrerons le mensonge de Al-Jawahir Al-Hisan fi Bayan Manhaj Muhammad Hassan. Ça c'est une épître où quelqu'un a fait donc la défense de ce mubtadi' qui est Muhammad Hassan. Le cheikh il a promis le cheikh Abu al-A'la qu'il va montrer les aberrations et les ambiguïtés de cette personne et qui est Muhammad Hassan. Et c'est à Allah que nous demandons l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala aide les gens de la sunna. Après cela, le cheikh il a dit, les suiveurs avec bienfaisance, attabi'una bi ihsan, ont adopté une méthodologie éducatrice, hada al manhaj ar-rabbani, ont adopté cette méthodologie éducatrice, hada al manhaj, c'est-à-dire de critiquer les gens de l'innovation. Les suiveurs, attabi'un, ils ont appliqué la même chose. Le prophète, il a mis en garde contre des personnes et contre des groupes. Hein? D'accord? Les sahaba, ils ont mis en garde, comme on a vu, ils ont mis en garde contre des personnes et contre des groupes. Hein? Vous vous rappelez de cela? Et maintenant, le cheikh, il rentre avec l'époque de attabi'un. Hein? L'époque de attabi'un. Les suiveurs avec bienfaisance ont adopté cette méthodologie éducatrice. Et voici les livres de la critique et de l'éloge qui en témoignent, dont parmi ces livres, composés par Tabi'in, par les savants de cette époque, Al-Jarh wa Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, ainsi que le livre Bahar al-Dam, fi man takallama fihim al-Imam Ahmad bimadhin ou zam, d'Ibn Abdel Hadi, ça c'est un livre d'Ibn Abdel Hadi, ainsi que le livre At-Tawarikh, Al-Kabir, Al-Awsat et Al-Saghir, ainsi que le livre Ad-Du'afa, les 202 Al-Bukhari, l'imam Bukhari, ainsi que le livre Al-Kamil fi Ad-Du'afa d'Ibn Adi, ainsi que le livre Ad-Du'afa de Al-Uqayli, ainsi que le livre Mizan Al-I'tidal de Al-Zahabi, ainsi que Lisan Al-Mizan d'Ibn Hajar, ainsi que le livre Ad-Du'afa et Al-Matroukin, Ad-Du'afa ou Al-Matroukin de Al-Nasa'i, ainsi que de Ad-Darqutni, qui a un livre aussi qui s'intitule Ad-Du'afa ou Al-Matroukin, puis d'Ibn Al-Jawzi, etc. Et le Cheikh après cela dit, où tu peux lire la critique et le jugement d'innovateurs prononcés sur des centaines d'hommes, des rapporteurs et autres, Rouat wa ghayrihim, que ce soit des Rouat ou des Douat, Rouat wa ghayrihim, en montrant leurs erreurs, petites ou grandes, sans prêter attention à mentionner leurs bonnes actions. Sans prêter attention à mentionner leurs bonnes actions, comme prétendent certains, ou bien Bid'at Mouazanat, qu'on a cité tout à l'heure. Puisqu'il s'agit là d'avertir et de conseiller aux musulmans. Lorsque tu conseilles à quelqu'un, tu ne vas pas le trahir en lui disant, mais voici telle et telle qualité, voici telle et telle hasana de tel mubtadi'. Lorsque tu vas dire à quelqu'un, oui, il a contredit la voix de As-Salaf, il appelle à Manhaj Khawarij, il a fait ceci, donc là, mais il a tel et tel cours, il a telle et telle action, il a fait tel et tel séminaire et ainsi de suite. Le jeune, il va donc rester indécis et peut-être même qu'il va continuer à écouter tel innovateur qui va empoisonner son cœur. Ce que ces gens d'innovation ils donnent, c'est donc des poisons, des poisons qui vont tromper les gens et qui vont pas donc les amener à aller vers l'istiqama et vers la droiture et vers le bien et à vivre avec le kitab wa sunna wa salaf salih. Voici donc le cheikh, après avoir cité ses livres, il va citer des paroles de at-tabi'in et donc de tabi'i at-tabi'in et ainsi de suite. Il a dit, et voici un bref rappel de ces paroles qui sont dans ses livres, dans Tabaqat al-Hanabila, d'accord. Il a dit Hafidhahullah, dans Tabaqat al-Hanabila, donc le volume numéro 1, les pages 233-34, dans la biographie de Ali ibn Abi Khalid, Ali avait dit, il dit, j'ai dit à Ahmed, ce cheikh qui assiste avec nous est mon voisin. D'accord, ils vont poser donc une question à l'imam Ahmed. J'ai dit à Ahmed, ce cheikh qui assiste avec nous est mon voisin, d'Algérie. Il vient de se poser une question. C'est mon voisin. Je l'ai averti contre un homme. Et il veut entendre ton avis à son égard. Et cet homme, c'est Harith al-Qasir. C'est-à-dire Harith al-Muhasibi. C'était un innovateur. D'accord? Harith al-Muhasibi. Tu m'avais vu en sa compagnie. C'est-à-dire celui qui a emmené ce questionneur vers l'imam Ahmed, il a dit, tu m'avais vu en sa compagnie, en la compagnie de Harith al-Muhasibi, il y a plusieurs années, et tu m'avais dit, ne t'assois pas avec lui, ni ne lui adresse la parole. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le boycott des innovateurs. Ni ne lui adresse la parole. Je ne lui ai plus parlé jusqu'à maintenant. Il suivait les savants. Donc il suivait les paroles des gens de science. Je ne lui ai plus parlé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire il a appliqué le boycott, le hajr shar'i. Donc il n'a plus parlé à cette personne. Je ne lui ai plus parlé jusqu'à maintenant. Et ce cheikh s'assoit avec lui. Mais ce voisin, il s'assoit avec lui. Qu'est-ce que tu en dis? Donc il demande maintenant le conseil de l'imam Ahmed. Voici la réponse. J'ai vu Ahmed qui rougit. Il a rougi d'abord. C'est-à-dire il s'est énervé. D'accord? Il s'est énervé parce que donc les gens de la sunna, ils interagissent avec les questions et avec Hal Umma. Donc là, il a dit, j'ai vu Ahmed qui rougit. Les veines de sa gorge se sont gonflées. Les veines de sa gorge se sont gonflées, ainsi que ses yeux. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Il gesticulait en disant, qu'Allah fasse de lui. C'est-à-dire qu'il a invoqué contre Harith al-Muhasibi. Qu'Allah fasse de lui. Ça, c'est l'imam Ahmed, imam Ahl-Sunnah al-Jama'a, le grand savant. As-Siddiq, qui a été, c'est-à-dire il a tenu à la vérité et il a vaincu donc les ennemis qui voulaient introduire l'innovation kufriya de Khalq al-Qur'an. C'est lui qui a résisté avec ses frères devant ce courant qui voulait, que les Jahmis voulaient faire passer. Il a dit, rahimahullah, l'imam Ahmad, qu'Allah fasse de lui, c'est-à-dire de l'Hakim Hasabi, ne connaît le statut de tel homme que celui qui l'éprouva de plus près. La ya'lamu hala illa man khabara. C'est-à-dire que c'est l'imam Ahmed qui le connaît. Illa man khabara. C'est les gens de science qui connaissent les innovateurs. Alors qu'un jeune, il vient, il pense que c'est lui qui va, puisque donc telle personne, pour lui, pour ce jeune, les erreurs ne sont pas donc remarquables pour lui, on va dire il ne dit que le bien. Parce que toi, tu ne peux pas détecter le mal. Tu ne peux pas détecter le mal. Tu ne peux pas détecter ses innovations. Tu ne peux pas connaître même son manhaj. Tu ne peux pas connaître quelle est son innovation. Donc là, le cheikh, il a dit, l'imam Ahmed, il a dit, ne connaît le statut de tel homme que celui qui l'éprouva de plus près. Ouais. C'est une manière par laquelle l'imam Ahmed, il est en train de montrer, c'est-à-dire que donc c'est une manière de montrer qu'il n'est pas d'accord et que donc ça lui fait mal que donc des gens vont suivre tel homme ne le connaît vraiment qu'un homme l'ayant étudié de près Al-Mughazili un autre Al-Mughazili Yaqub et un tel se sont assis avec lui il les a sortis vers l'opinion de Jahm Donc c'était des gens de la sunna. Ils se sont assis avec le muhasibi. Et il les a sortis vers l'opinion de Jahm. Jahm ibn Safwan, le mubtadi', le Jahmi. D'accord? Vers l'opinion de Jahm. Ils ont perdu à cause de lui. Halakou bi sababi. Ils ont perdu à cause de lui. Le cheikh lui dit. L'autre, le voisin qui est venu demander la question. Donc, c'est-à-dire poser cette question. Le cheikh lui dit. « Oh, Aba Abdillah !» Il s'adresse à l'imam Ahmed. « Oh, Aba Abdillah !» Il rapporte le hadith, mais pourtant il rapporte le hadith. C'est ce qu'il dit à notre époque, il dit Suleyman al-Alwan, que nous, on dit que c'est un takfiri. C'est pas nous, c'est-à-dire les jeunes, les petits comme moi ou mes frères. Mais les savants, ils ont dit, celui-là, il a un manège de al-takfir. C'est-à-dire, ces gens, ils disent Suleyman al-Alwan, il s'adonne à al-hadith. الحويني يصدون الحديث العدوي مصطفى العدوي يصدون لا سيونس دو الحديث مصطلح الحديث ها on leur dit mais les gens de science ils ont mis en garde contre eux les gens de science ils sont plus savants que nous ils sont plus savants que moi et toi donc les gens de science ils ont mis en garde contre ces gens est-ce que les gens de science ne veulent pas propager le bien ils veulent propager le bien mais ils mettent en garde contre le mal ça c'est un grand mal que d'écouter ces innovateurs surtout ces takfiri الحويني et سليمان العلوان Et donc, l'Adawi, Mustafa l'Adawi qui est en Égypte. Voilà, donc celui-là, il a objecté, il a dit, « Oh, Aba Abdillah, il rapporte le hadith avec sérénité et recueillement. » avec recueillement. Mais oui, mais est-ce que lui, lorsqu'il va te parler, il va te dire, « Moi, je suis un takfiri. » Ou bien il va te dire, « Moi, je suis un khariji. » Ou « Moi, j'appelle aux innovations. » Il va te dire, « Moi, j'appelle à la sunna. » Il va te citer, voici, qala Allah, qala Rasulu. Mais il ne les cite pas à ça à leur place. Il ne s'attache pas à la voix des gens de la sunna. Il a dit, il rapporte le hadith avec sérénité et recueillement. De son histoire, il y a ceci et cela. Il trompe les gens avec aussi les histoires. Et c'est aussi des conteurs d'histoires. Qussas. Hakawayatun. C'est-à-dire, hakawati. C'est-à-dire, il raconte des hikayats. Hakawati, on dit. Qussas, c'est-à-dire il raconte des quoi? Il raconte des histoires aux gens pour tromper les gens et pour toujours les endormir avec des histoires. Qussas, d'accord? De son histoire, il y a ceci et cela. Mais cela ne doit pas nous tromper. Lorsque le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a mis en garde contre les khawarij, il a cité que, attention, tahqiruna salatakum ila salatihim, wa qira'atakum ila qira'atihim. Le prophète il est en train de faire cela pour faire attention. Ne soyez pas trompés parce qu'ils font cela. Et même que cela, il est contre eux. puisqu'ils font cela, hein, et ils ne suivent pas la sunna, ça devient contre eux, c'est une preuve contre eux. Hein. Donc là, il a dit cela pour ne pas être trompé par leur ibada, par leur salat et par leur, leur récitation de Al-Qur'an. Hein. D'accord. C'est afin de faire attention à cela. Donc là, celui-là, il est en train de dire de son histoire, il y a ceci et cela. Abu Abdillah s'est fâché. Imam Ahmed s'est fâché. Et commença à dire, hein, qu'il ne te trompe pas par son recueillement et sa douceur. Hein, qu'il ne te trompe pas par cela. Hein. Et il dit, ne sois pas dupe de ce qu'il baisse la tête, puisqu'il est un homme de mal. Hein, un rajul sou. Hein, il met en garde contre lui. Pour une ou deux erreurs, mais ce sont des erreurs d'accord, qui vont montrer que lui, il sort de Al-Minhaj. Hein? Donc, ne le connaît vraiment qu'un homme l'ayant étudié de près. Hein? Ne lui parle pas. Il n'a nul honneur, wala karama. Il n'a nul honneur, hein? Wala karama. Chacun qui rapporte les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant innovateur, tu t'assois pour lui. L'imam Ahmed pose cette question. Hein, nous la posons maintenant à ces jeunes de cette époque. Hein, chacun qui va dire je suis prêcheur, tu vas l'écouter? Non. Non, toi, tu. Donc, la chose la plus précieuse, c'est ta religion. Méfie-toi. Attache-toi aux gens de la sunna. Nous, on dit aux jeunes, soyez derrière les grands savants. Soyez avec ce minhaj salafi. Hein, porté à notre époque par les grands savants tels que Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani, Al-Fawzan, Rabi' al-Madkhali, Salih al-Luhaydan, Muqbil al-Wadi'i, Muhammad Taqiuddin Hilali, Muhammad Amal Jami, Hamad al-Ansari, Hamoud Twizri, les grands savants, hein, les grands savants, Cheikh Farkous en Algérie, hein, donc les savants que, donc, qui sont comme ceux-là, alors que vos frères sont, ce ne sont que des traducteurs. Hein, vos frères, c'est un trait d'union, hein, que des traducteurs. Et soyez derrière les mashayikhs, qui sont des tollabs pour ces grands savants. Hein. Les tollabs, tels que Cheikh Abu Abd al-A'la ici, tels que Cheikh al-Bukhari, tels que Cheikh Mohammed ibn Hadi, tels que Cheikh Ubayd al-Jabiri, qui est un savant. Hein. Donc soyez avec les gens de la sunna. Et ne vous donc, laissez pas tromper par le style d'un tel. Parce que eux, ils jouent surtout beaucoup sur le design, et il joue sur le style et sur donc la manière, la façon, hein, d'accord, sur les manières et sur donc la parole, hein, et sur le fait donc de donc qu'ils vont dire aux gens des choses qui ne vont pas les froisser, qui ne vont pas interroger la personne, qui ne vont pas faire que la personne va chercher et va approfondir certaines questions de la aqida ou de son adoration, mais plutôt ils vont toujours lui parler du bon comportement. Hein, chose qui ne choque personne, hein, chose qui ne va pas choquer les personnes, qui va toujours faire que les gens ils vont essayer de toujours penser comme cela, ils pensent qu'ils sont sur une bonne voie. Donc là, comme celui que je vous ai cité tout à l'heure, Ayman TR, moi je me pose la question, hein, à quoi il s'est converti puisqu'il ne connaît pas l'aqida? À quoi il s'est converti lorsqu'il dit moi je me suis converti en islam? Si tu ne connais pas le sens de cette aqida, donc à quoi tu t'es converti, hein? À quoi il s'est converti s'il ne connaît pas la valeur de cette aqida? Qu'est-ce qui donc différencie un musulman d'un mécréant, hein, ou d'un mouchrik, hein, ou d'une personne athée? C'est la aqida. C'est la aqida, c'est que lui, il va s'attacher, il va attester la ilaha illallah. Hein? Il va commencer par attester que la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, cette personne qui s'attaque à Tawhid, hein, c'est une personne donc, qui m'étonne. Moi, je me dis, à quoi il s'est converti, subhanallah, hein, il s'est converti au bon comportement. L'islam, c'est autre chose. L'islam, c'est d'abord une aqida. D'accord. Donc l'imam Ahmed, il a posé cette question que nous posons aux jeunes. Hein. Chacun qui rapporte les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant un innovateur, hein, tu t'assois pour lui? Non, hein, il n'a pas d'honneur et qu'il n'ait pas le repos de lui, hein. Wala karama wala nu'ma'in. Hein, wala nu'ma'in. D'accord? C'est-à-dire, hein, wala karama. Hein, nous, on le critique, hein. Il n'a pas de valeur pour nous, il n'a pas de sharaf pour nous, hein. Wala karama, hein, on le critique. Donc là, تأخذنا في الليل لومة لائم. D'accord, hein? ولا نعمة عين, hein? Et qu'il n'ait pas le repos de l'œil. Et dans une parfois les gens de science ils disent que c'est aussi orthographié ولا نعمي عين, et on ne ferme pas l'œil, hein, sur son corps. ولا نعمي عين, comme le dit parfois Cheikh Abu Abd al-A'la, je l'ai entendu dans l'un de ses cours, il a dit ولا نعمي عين, hein. Voilà, nous amis, c'est-à-dire on ne ferme pas l'œil sur ces innovateurs, on les montre, on les dévoile à notre umma. Hein? Wallah al-musta'an. Et l'imam Ahmad il a dit, et il disait un tel, et donc celui qui a rapporté, Rawi, il a dit, et il disait un tel, zak, zak. Hein? C'est-à-dire qu'il était fâché contre donc ce Harith Muhasibi. D'accord. Fin de cette première parole de que Cheikh Abu Abd al-A'la, il nous a amené ici après nous avoir montré la voie de donc at-tabi'in dans le suivi, hein, de manhaj al-jarh wa at-ta'dil. La deuxième parole, il a dit, et il est mentionné dans su'alat al-barda'i, hein, page 561, hein, voilà. J'étais présent quand Aba Zur'a fut interrogé sur Al-Harith Al-Muhasibi. Voilà un autre savant qui fut interrogé sur Al-Harith Al-Muhasibi. Hein? Et ses livres. Il fut interrogé sur Al-Harith Al-Muhasibi et ses livres. Hein? J'ai dit au questionneur, méfie-toi de ces livres, de ces livres. Ce sont des livres d'innovation et d'égarement. Tiens à Al-Athar. Hein? Tu y trouves ce qui enrichit et dispense de ces livres. Hein? On lui dit, il y a une morale dans ces livres. Hein? Il a donc l'objection tout à l'heure, comme l'objection de celui-là qui est venu demander l'avis de l'imam Ahmed. Il a dit, mais il est khashi', il a le recueillement, il a ceci. Ici, il a dit, mais il y a une morale dans ces livres. Hein? C'est-à-dire, fiha ibra. On s'adoucit lorsqu'on entend cela, ça nous rappelle l'akhira. Il y a une morale dans ces livres. Il répondit, quiconque ne trouve pas la morale dans le livre d'Allah, hein, il n'en trouvera pas dans ces livres. Hein? Celui qui ne trouve pas l'ibra dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager, dans les qasas de l'anbiya, dans les qasas de as-sahaba, radhiyallahu alayhim, ne trouvera pas donc de ibra. Hein? Et les gens sont friands donc de chercher des choses nouvelles, des faits divers et des choses nouvelles. Non, qu'est-ce que tu as à faire de ces histoires récentes et ainsi de suite? Attache-toi au qasas où il y a al-maw'ida, les qasas de l'anbiya, les qasas de as-sahaba, radiyallahu anhum. D'accord? Donc là où il y a donc la morale, où il y a la profondeur, où il y a donc des exemples pour la umma et des modèles et des exemples. Hein? Alors que les qasas de notre époque, hein, c'est des faits divers qu'il ne s'agit pas de s'attacher à cela ou de regarder ces histoires, hein, ni non plus de les propager. Hein? Wallah al-musta'an. Très bien. Donc là, il a dit, il y a une morale dans ces livres. Il répondit, l'alim, hein, Aba Zur'a, il a répondu, il a dit, quiconque ne trouve pas la morale dans le livre d'Allah, il n'en trouvera pas dans ses livres. Avez-vous appris que Malik ibn Anas, le grand imam Malik, hein, ou Soufyan, lorsque Soufyan il est cité comme cela, c'est Soufyan al-Thawri, qui est Qarin Malik fil ilm, un grand savant, un grand imam. Ou Soufyan, ou al-Awza'i, hein, un autre imam de la sunna. Hein, ces imams, Soufyan ou al-Awza'i, hein, et d'autres, c'est seulement que leur madhhab n'a pas été transcrit. Alors que c'est du calibre de Malik et de Ahmed et de Shafi'i. D'accord? C'est seulement que, donc, ils n'avaient pas, c'est-à-dire des disciples à même de d'écrire ce qu'ils ont laissé comme ilm. Hein? Leurs avis, etc. sont dispersés dans d'autres livres, dans d'autres, mais ils n'avaient pas des livres à eux. Hein? Donc ils n'ont pas eu, donc, des disciples pour travailler et pour servir leurs livres. Très bien, il a dit, hein, avez-vous appris que Malik ibn Anas, Soufyan, Al-Awza'i et les imams passés auraient écrit tel livre au sujet des illusions, des fantasmes et de ces choses, hein, Al-Khataras, hein, Al-Awham, Al-Wasawis, Al-Ashiya, Hein, parce que le muhasibi, il était connu dans ces choses. C'est-à-dire qu'il écrivait des choses khatarat, et des choses par lesquelles aussi, donc à notre époque, ces gens sont en train de tromper les gens par des histoires illusoires et par des ahlam et par tafsir al-ahlam et par ces choses. Hein? Donc là, il a dit, voilà la science à laquelle tenait Malik, c'est le fiqh sahih, c'est al-ilm sahih, et non pas hein, de s'attacher à des illusions et à des fantasmes et à ces choses. Voici des gens ayant contredit les gens de science. En écrivant ces khatarat et ces choses, hein, ils ont contredit les gens de science. Et ils nous sont venus hein, une fois avec le Harith al-Muhasibi. C'est-à-dire une fois, ils vont te dire, mais le Harith al-Muhasibi, est-ce que c'est pas qu'un connaisseur, c'est pas un savant hein? Une fois, ils nous viennent avec le Harith al-Muhasibi. Et une autre avec Ibrahim, ou bien Abdelrahim, Ad-Duybali, d'accord hein? Et une troisième avec Hatim al-Asam, et une quatrième avec Shaqiq al-Balkhi. D'accord? C'est-à-dire, ils vont dire, mais un tel, est-ce qu'il est sur l'erreur? Hein? Donc là, le muhasibi ici, il est critiqué. D'accord? Mais ces gens, ils viennent parfois par le muhasibi, parfois par Hatim al-Asam, parfois par celui-là. Hein? Mais nous, on leur dit, mais vous, regardez les sahaba que vous délaissez de l'autre côté. Regardez votre nabi, votre messager alayhi salatu wasalam que vous délaissez de l'autre côté. Hein? Vous venez avec Mohamed Ilyas ou avec Hassan Benna. Regardez, vous laissez de l'autre côté le Nabi alayhi salam. Vous délaissez les Sahaba, vous délaissez les Tabi'in, vous délaissez les A'imma de l'Islam. Hein? Vous délaissez les A'imma de l'Islam. D'accord, il a dit. Hein? Parfois, ils nous viennent avec ceci, avec cela et avec cela. Hein? Il dit, comme les gens se hâtent vers les innovations. Hein? Subhanallah. Il a dit, comme les gens se hâtent vers les innovations. Ma asra'an nas ila al-bida'. Comme les gens se hâtent, lorsqu'il y a une innovation, vous allez trouver que beaucoup de gens sont rentrés. Hein? Comme ces gens qui apparaissent, Bazrafil, cet ignorant comorien, ou bien l'autre, Islam Ben Ahmed, qui est, je pense, il est originaire de l'Algérie, mais qui est installé en France, et qui est un soufi ash'ari égaré, un ignorant, un super ignorant. Hein? Donc là, un super ignorant qui suit l'ash'ariya, hein? Celui qui suit l'ash'ariya, c'est un égaré, c'est un ignorant. Hein? Ou bien Iqiyoussan, ou bien donc ces gens qu'on a cités. Hein? Donc là, ma asra'a an-nas ila al-bid'ah. Comme les gens, ils vont se hâter vers ces choses. Alors que les gens, il leur suffit de s'attacher aux gens de la sunna, les savants, hein, qu'on a cités, et leurs frères, hein, les grands savants, et de regarder dans leur fatwa, et de chercher, et de s'attacher à ce minhaj, et de s'attacher à cette vérité. Et de, donc, comme a dit Cheikh Rabi', rester ignorant est meilleur que de s'attacher à un innovateur. Rester donc dans des choses, c'est-à-dire rester calme et ne pas donc se travailler sur une chose est meilleur que de travailler avec un innovateur. Hein, est meilleur que de travailler avec un innovateur. Donc il faut s'attacher à la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Hein, comme le prophète alayhi salam, dans ce hadith, il s'agit de ce jour le méditer. C'est un grand hadith. C'est le hadith qui est donc vraiment maw'idha azima wa satafsariq ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Et ma communauté se divisera en 73 sectes qui sont toutes vouées au feu sauf une. Les sahaba, ils ont posé la question, laquelle, au messager d'Allah, il a dit, hein, ma hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ceux hein, qui vont être sauvés, al firqa an-najiya, hein, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui vont suivre ce sur quoi j'étais, ainsi que mes compagnons. Là, ma voix est la voix des compagnons, la voix de Sahaba, Salafiyya, la voix de Salaf Salih. Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous, on s'attache à cela. C'est ça le sens de Salafiyya. Non pas le sens de Salafiyya que quelqu'un il vient, il va donc ouvrir un siège de son parti, il va écrire Hizb Kada Salafi. Hein, comme ils ont fait en Égypte. Hizb al-Nur al-Salafi. Hein? C'est pas un slogan. Ça, c'est un manhaj. Al-Salafiyya, manhaj. Al-Salafiyya, c'est une méthodologie. Et non pas un slogan. Quand, du moment que quelqu'un en ça, on est d'accord avec lui sur le terme, ça y est. Donc, il n'y a plus de différence entre nous et lui. Comme c'est Adhiya de Al-Salafiyya. Qui vont dire, moi aussi, je suis Salafi. Moi, je suis sur la voie de Al-Salaf Salih. Hassan, Sulhouini et ces gens comme ça. Hein? Le Ma'ribi, et Ardnan, Ar'our, etc. Donc là, mais il s'agit de suivre manhaj salaf, non pas de prétendre salafia. Il s'agit de suivre manhaj salaf, hein, vis-à-vis des hukam, vis-à-vis des gens de science, vis-à-vis des fondements de la sunna, vis-à-vis de sahaba, celui qui ne va pas défendre sahaba, alors que Sayyid Qutb insulte les sahaba. Tu vas lui dire, il insulte une partie des sahaba. Tu vas lui dire que Sayyid Qutb a insulté des sahaba. Lui, il ne sera pas donc énervé de cette chose. Ça ne va rien faire bouger en lui. Hein? Donc là, c'est la preuve qu'il n'est pas en train de suivre Salafia. Même il a insulté donc Moïse, alayhi salam. Hein? Cela ne chiffonne pas des personnes et cela ne les énerve pas. Et cela ne fait pas qu'il s'interroge sur cette personne. Wallah al-musta'an. Donc là, il a dit, le cheikh, hein, après avoir cité cette deuxième citation, hein, où c'était Abu Zur'a, rahimahullah, qui a donné cet avis, hein, le cheikh Abu Abd al-A'la, il a dit, j'ai dit, voici la position de 200 mités, hein, parmi celle de la science et de la critique et de l'éloge. Face à l'un des grands conteurs, Wahid min akbar al-qussas, qui est le hakim al-hasibi, quoiqu'il ne fût pas un ignorant prétendant de la science, comme c'est le cas de plusieurs conteurs de ce temps, hein, les conteurs de notre temps actuel, hein, c'est des conteurs ignorants, alors que ce hakim al-hasibi, c'est un conteur qui a de la science, dans le hadith et ainsi de suite. Hein, comme il lui a dit, il récite le hadith du Rasulullah, alayhi salam. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se connaît dans la science du hadith. D'accord? Donc là, le cheikh, il a dit, hein, voici la position de 200 mités parmi celles de la science, de la critique et de l'éloge, hein, face à des grands conteurs. Quoiqu'il ne fût pas un ignorant prétendant à la science, comme c'est le cas de plusieurs cas de notre temps, il était plutôt comme Al-Khatib avait dit dans Tariq Baghdad et Al-Harith a plusieurs livres dans l'ascétisme, fi Az-Zuhd. Hein? Il a composé même des livres dans Az-Zuhd. Hein? Les fondements des religions, Usul Adiyan. Hein? La réfutation des opposants, lui-même il a réfuté des opposants à l'islam et des opposants, c'est-à-dire à la sunna. La réfutation des opposants parmi les Mu'tazilites et les Rafidites et autres. Hein, fin de citation. Et malgré cela, hein, cela ne fait pas qu'on va suivre le Harith Muhasibi. Même s'il se connaissait dans ces sciences, Zud, hein, au sol Adiyan, hein, et la réfutation des Mu'tazilites et des Rafidites, hein, et autres. Hein, et malgré cela, dès que l'imam Ahmad il a mis en garde contre lui, ça y est. Dès que les gens de la sunna ils ont mis en garde contre lui, ça y est. Alors que maintenant, lorsque le savant il prodigue le conseil, tel que Muqbil ou tel que Rabi' ou tel que Najmi, hein, ou tel que Zayd al-Madkhali ou tel que Ubayd al-Jabiri et tel que donc leurs frères, les savants, lorsqu'ils mettent en garde la umma contre un innovateur qui appelle à des innovations, des personnes salafis, ils suivent donc les orientations des gens de science et d'autres ils vont venir avec les choubouhats qu'on a cités dans l'audio précédent, ou d'autres choubouhats, ou bien ils ne vont pas vouloir délaisser une personne, parfois une personne très jeune, une personne ignorante, hein, comme ils s'en trouvent beaucoup, hein, sur les chaînes télévisées et sur les sites et sur les réseaux sociaux, hein, parfois des jeunes, hein, comme Wassim Youssef et d'autres, des ignorants, hein, qui vont sortir par des shatahats et par des choses pour donc faire beaucoup donc d'agitation pour eux plus que tu khalif tu'raf, hein, c'est-à-dire distingue-toi et tu seras connu. Il s'est déplacé en Algérie là, donc il a eu des propos contre Cheikh Al-Allama Farkous, hein, pour que donc sa parole elle va même être propagée par des gens de la sunna qui vont le critiquer, et comme cela pour lui il va être connu auprès donc d'une masse de gens. Un khalif tu'raf, tu insultes un savant et tu espères le bien via cela, hein. Wallah al-musta'an, hadi 'alama ad-daya' wa 'alama al-khuzlan, c'est-à-dire c'est la preuve que cette personne mahroum al-khair wa mahroum min at-tawfiq, Mahzoul, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le bien, puisque donc il n'aura pas, c'est-à-dire il n'est pas sur le bien, je veux dire, hein. C'est-à-dire c'est une personne qui insulte les gens de science. Il, donc il faut savoir quelle est sa valeur à soi. Il faut se connaître. Rahimallahu abdan, arafa qadra nafsi. Hein, qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur qui connaît quelle est sa valeur, qui ne va pas lui donc s'opposer à de grands savants tels que Cheikh Farkous, ou tels que Cheikh Rabi, ou tels que Cheikh Najmi, ou tels que Cheikh Al-Jami. Rahimallahu abdan arafa qadra nafsi, il se connaît, il connaît sa valeur. Lui, il ne va pas, donc contredire des gens de science comme ceux-là, ou bien de, donc les dénigrer. Iyadan billah. Na'oudu billah. Le muslim yata'awad min mukhalafat ahl al-ilm. Wallah al-musta'an. Donc là, après cette citation, le cheikh Abu Abd al-Al a dit, je dis, cela veut dire qu'il avait des répliques, c'est-à-dire ce muhasibi, il avait des répliques, kana lahu rudud, contre certains opposants au fondement des gens de la sunna. Hein? C'est-à-dire que lui-même, il réfutait donc des gens qui s'opposaient à la sunna. Hein? Et comme on dit, donc, certains savants, hein, ils ont dit, la tujalisu ahl al-ahwa wa in dabbu an as-sunnah. Ne vous asseyez pas avec les gens de l'kalam ou avec les gens d'innovation, même s'ils vont défendre la sunna sur certains points. Ne vous asseyez pas avec eux. Faites très attention, ça c'est des nuances parfois que les gens de science ils montrent, mais c'est très précieux comme remarque. Hein? Non pas que parce que lui il réfute les chrétiens, ou bien que lui il réfute les rafidites, hein, ou bien que lui il réfute même l'ikhwan. Ça y est, on va dire, voilà, c'est un salafi. Non. La alama du salafi, non pas seulement qu'il réfute ces gens. La alama du salafi, c'est qu'il s'attache à la sunna. Comme avait dit Albert Bahari, wa laykun rajulu, la yuqalu fi rajul li rajul sunna hatta yastatimaha. C'est-à-dire, il va s'attacher dans toute son affaire. Na fi sha'ni kullihi, lui, il s'attache à la sunna. Lui, il est avec les gens de la sunna. Hein, il n'est pas avec les gens de la sunna sur un point et il les contredit sur l'autre, donc de l'autre côté. Hein, wallah al-musta'an. Regardez, Cheikh Abu Abd al-A'la hafidhahullah, il a dit, cela veut dire, que le harit muhasibi, qu'il avait des répliques contre certains opposants au fondement des gens de la sunna. Et en même temps, il succomba, lui aussi, dans d'autres conventions, contraventions, hein, mukhalafat, contraventions, dont, parmi lesquelles, l'avis de Jahm. Voici une erreur monumentale. L'avis de Jahm et sa parole dans les illusions et dans les fantasmes. Wa qawluhu bil الخطرات وهذه الأوهام وهذه الأمور التي دخل فيها. Il a commencé à analyser les khatarat, les awham, les illusions, les choses, les fantasmes qui viennent à, donc à l'esprit, etc. À les analyser. Là, c'est pas de là, donc c'est pas cela que le musulman doit analyser. Hein? Comme des gens qui vont donner beaucoup de temps pour donc tafsir l'ahlam. Hein? Donc là, tafsir l'ahlam, t'ihtaj alim ou t'ihtaj rajul salih yufassir lak al-ahlam. Ça nécessite un homme de bien, vraiment, qui a de l'firasa, qui a de tafarrous, c'est-à-dire qui va connaître les choses, qui peut connaître, c'est-à-dire interpréter les rêves, ou bien un grand savant. Rajul salih, un homme pieux, hein, ou un homme, c'est-à-dire un savant. Hein. Mais il ne faut pas prêter beaucoup de temps, beaucoup de d'attention à ces choses, mais plutôt s'attacher à la croyance, à l'ibada, à l'apprentissage de l'islam. Très bien, donc là, le cheikh, après avoir cité cela, il a dit, Ahmed n'a pas fait cas de ses réfutations contre les Mu'tazilites et les Rafidis. Il n'a pas établi une évaluation, hein, mouazana. Il n'a pas dit, puisqu'il a cela, ceci et cela, on va sous-peser tout cela, hein, avec une balance vraiment fine, hein, qui va nous dire, finalement, est-ce qu'il est de ce côté ou de cela. Il a contredit un fondement des gens de la sunna. Comment contredire un fondement des gens de la sunna? Comment donc lui, donc il est tombé dans l'opinion de Jahm? Hein? Wallah al-musta'an. D'accord? Hein? Il n'a pas établi une évaluation entre ses bonnes et mauvaises actions, comme ce que font les insignifiants de notre époque. Les insignifiants de notre époque qui disent non, il faut établir une balance, un muajana. Hein, donc il faut citer tout ce qu'il a fait dans sa vie, et de l'autre côté vous citez une innovation ou deux, et ma, pour moi la yuqni'uni, la, la ma, je ne sais pas quoi, hein, la yelzamuni, etc. Non, ça c'est pas des qawa'id des gens de la sunna. Les gens de la sunna c'est des gens matures dans la science. C'est des gens, lorsqu'ils ont établi des règles, c'est parce que c'est les règles de la religion. Hein? C'est parce que c'est les règles de la religion. Il s'agit de suivre donc les règles de la religion. C'est manhaj al-Nabi wa ashabu, manhaj al-Sunna al-Jama'a. Donc ça c'est la voie de Nabi et de ses amis et ses compagnons. Donc al-Zahabi avait dit dans al-Mizan, le volume numéro 2, la page 166, après avoir rapporté les propos de Abi Zur'a, qu'on vient de citer tout à l'heure, mais où est-ce qui ressemble à Al-Harith, Al-Zahabi, qui est venu dans le 9e siècle. Il a dit, mais où est au moins ce qui ressemble à Al-Harith, c'est-à-dire qu'à son époque, il y a des innovateurs tellement grands. Hein? Il a dit, mais où est celui qui ressemble à Al-Harith, هذا من باب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا c'est-à-dire si j'avais à choisir au moins jurer par Allah mais je suis sur le mensonge est meilleur pour moi que de jurer par autre que lui, que de tomber dans un shirk, jurer par autre que lui alors que je suis sincère. Zahabi, c'est de ce sur Minhaj al-Bab, il est en train de dire ici, mais où est au moins celui qui ressemble à Al-Harith? Et comment donc si Abu Zur'a aurait vu les écrits de ceux qui sont venus tardivement comme Al-Qut de Abi Talib, c'est-à-dire un innovateur plus grand que Al-Harith, Al-Qut de Abi Talib, mais où est ce qui ressemble au moins à Al-Qut, c'est-à-dire il va nous dire comment les innovations vont grandir et grandir. Mais où est ce qui ressemble au moins à Al-Qut? Comment s'il avait vu Bahjat al-Asrar? Comment si Abu Zur'a aurait vu Bahjat al-Asrar de Ibn Jahvam? Et Al-Haqa'iq, ou bien et Haqa'iq al-Tafsir de As-Sulami. C'est-à-dire que les innovations vont grandir avec le temps. Et les gens, comme les soufis aussi, ils ont commencé par هذا الذي يسمونه التغبير والذي هو الأناشيد. À leur époque, ils avaient des anachides, ils avaient التغبير, c'est-à-dire ils avaient que ils changeaient là, donc le zikr en lui donnant une mélodie. Or le zikr c'est عبادة لله عز وجل, il ne s'agit pas de la donner dans une mélodie, il s'agit de faire zikr الله عز وجل. Eux ils étaient en train de modifier donc ceux-là, et ceux-là étaient blâmés par Imam Shafi'i. Il a dit ça c'est mauvais, il a dit j'ai vu donc en Irak des gens qui font at-tarbir, at-tarbir c'est comme lorsqu'ils disent la ilaha illallah, ils vont lui donner une mélodie la ilaha illallah la ilaha, c'est comme ceux-là illallah. Donc là c'est at-tarbir, car remarquez il a dit ça c'est munkar, l'imam Shafi'i, ça c'est munkar. C'est comme ce que vous voyez donc chez certains, donc des gens qui font l'anachide, surtout parmi les anglophones et les francophones qui font des anachides. Ils font cela, quand dans l'éloge du messager ou dans des choses comme cela, lorsqu'ils font donc des anachides concernant l'islam, ils vont tomber dans cela. Alors que l'imam Shafi'i a dit ça c'est mauvais, ça c'est munkar, ça c'est mauvais, ça c'est une voix donc qui contredit la voix de As-Salaf Salih. Donc là, il était en train de dénumérer ces livres qui sont apparus petit à petit et qui vont montrer des innovations de plus en plus grandes. Son esprit aurait volé. Si Abu Zur'a aurait vu cela, son esprit aurait volé. La tara lubbu, la tara banenu. Comment donc s'il avait vu les écrits de Abi Hamid At-Tusi, Et donc de Abi Hamid At-Tusi à ce sujet, en plus de l'abondance des textes inventés dans Al-Ihya, comment s'il avait vu Al-Runya de Cheikh Abd al-Qadir, comment s'il avait vu Fusus al-Hikam de Ibn Arabi At-Ta'i, Zaim Wahdat al-Wujud, comment s'il avait vu cela, Et ainsi que Al-Futuhat al-Makkiyah, toujours de Ibn Arabi. Il a dit si, quand Al-Haris était le porte-parole de son groupe, à cette époque, il y avait 1000 imams contemporains dans le hadith, qui comptent des gens comme Ahmed ibn Hanbal, et Ibn Rahawayh. Lorsqu'il y avait d'un côté des gens d'innovation, et ils avaient comme porte-parole Harith Muhassabi, les gens de la Sunna étaient très forts, et ils avaient 1000 imams, face aux gens des innovations. Et parmi ces 1000 imams, il y avait des gens du calibre de l'imam Ahmed et de Ishaq ibn Rahoya. Ainsi, et quand les imams du hadith sont devenus comme Ibn al-Dukhmisi, c'est-à-dire quand les gens de la Sunna ils ont faibli jusqu'à avoir comme imam Ibn al-Dukhmisi et Ibn Shahata, le chef des connaisseurs, l'arifin, était du calibre, était du calibre de l'auteur de Fusus al-Hikam et d'Ibn Sab'in. C'est-à-dire, lorsque les gens de la Sunna, ils ont faibli, ils avaient donc des gens de l'innovation qui sont tellement forts dans leur égarement, tels que Ibn Arabi et tels que Ibn Sab'in. Ça, c'est de grands innovateurs. De grands innovateurs. Il y a même que les gens de la Sunna, ils ont rendu Ibn Arabi mécréant. Ils ont dit que Ibn Arabi, at-ta'i, hada kafir. Ainsi que Al-Hallaj, hada kafir. الحلاج هذا رئيس هذا المخذول رئيس إسلام بن أحمد يقيم درس في الدفاع عن الحلاج الحلاج الكافر هو يقيم درس يعني كأنه ينصفه كأنه يقول les gens de la sunna se sont trompés à son sujet et moi je le réhabilite, je lui rends son honneur. Islam bin Ahmed, cet Algérien dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc là c'est un ignorant, il vient donc contredire l'avis de grands imams qui ont rendu le Hallaj kafir. Et il a même été, donc, la peine a été appliquée sur lui. Qu'a-t-il ? Et donc là, lui, il vient donc deux siècles après pour réhabiliter Al-Hallaj. Ouffin la kawali Al-Hallaj. Wallah al-Musta'an. Al-Hallaj, c'est un kafir, c'est un ignorant. Et ainsi que Ibn Arabi, c'est un ignorant kafir. Donc là, il a dit, nous demandons à Allah le pardon et l'excuse. Amin. Fin de citation de Al-Dhahabi. Maintenant, Cheikh Abu Abd Allah, il a commenté cela. Il a dit, je dis, nous sommes à Allah et nous retournons vers lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comment donc s'ils avaient observé les livres de Sayyid Qutb, de Muhammad al-Ghazali, de Abu Abd Allah al-Mawdoudi, de Al-Qardawi, Yusuf Qardawi, al-Mubtadi' al-Dal, et de Al-Turabi, qui était au Soudan, de Turabi Soudani, au Soudan, Halak, Alhamdulillah. Et comment s'ils avaient entendu les conteurs de cette époque, comme Abdelhamid Kishk, et Amr Khalid, et Mohamed Hassan, et Mohamed Hussein Yaqub, et Wajdi Ghunim, et leurs semblables, leur raison aurait survolé. Si ces imams auraient vu ces innovateurs, yani ajib, yani asbahou, yani muharrijin, c'est des clowns. C'est pas seulement que les innovateurs anciens, c'était des gens qui ont un certain, donc ils ont de l'innovation, ils ont contredit. Mais c'est pas comme c'est ceux qui sont dans notre époque. Amr Khalid, Wajdi Ghunim, Nabil Awad, المجرمين هادو سي زينوفاتور او بيان محمد العريفي ومتولي الشعراوي سي زينيوران كي فون مونتي سور دونك لو منبر اي فون دونك ايغاري لي جون ainsi que les ignorants dont je vous ai parlé tout à l'heure en France et ailleurs et en Belgique en Belgique il y a des donc Mustafa Castet il y a donc des égarés comme ceux-là qui prêchent aux gens. Wallah al-Musta'an. D'accord. Donc là, il a dit, s'ils auraient vu cela, leur esprit leur aurait volé. Donc c'est les imams, ils étaient dans le sérieux, ils étaient dans la défense de la Sunna. S'ils voient des innovations comme cela, c'est vraiment des choses qui donc qui énervent. Donc après cela, il a cité une troisième citation. Il a dit, Abu Bakr ibn Shayba, ibn Abi Shayba. Abu Bakr ibn Abi Shayba dit, nous étions chez Ibn Uyayna quand Mansour ibn Ammar l'interrogea sur Al-Qur'an. Il le gronda et lui montra sa béquille. Hein? Adhar lahu ukaza. C'est-à-dire, il le menace. Il l'interroge sur le Coran, subhanallah. Hein? Il le gronda. Yani zajarahu wa adhar lahu ukaza. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, je vais te frapper, attention. Tu poses des choses, donc une question comme cela. Tu poses une question comme cela sur le Coran Karim. Hein? Coran Karim, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hein? Takallama bihi haqiqatan. Hein? Non, pas comme disent les Ash'aris. Donc ils amènent des choubouhat, des ignorances et des égarements. Les Ash'aris, hein? C'est mekhanit al-mu'tazila. C'est que les mu'tazilites, ils sont venus directement dire non, nous, on ne dit pas que Allah yatakallam. On ne dit, ils sont venus dire. Nous, on ne dit pas que Allah il parle. Hein? Les Ash'aris, ils ont donc pris donc un autre sens. Ils n'ont pas dit la chose directement, mais ils l'ont dite indirectement. Ils disent kalam nafsi. Hein? Ils disent kalam nafsi. Ça c'est une grande bid'a. Hein? Une grande bid'a, c'est qu'ils la yusbitun al kalam illa azza wa jal kama yusbitu al sunna wa jama'a. Donc là, il le gronda et lui montra sa béquille, Ukaza. On lui dit, oh Abba Muhammad, c'est-à-dire des gens qui sont adressés aux savants, oh Abba Muhammad, c'est un adorateur, abid, comme on a vu tout à l'heure. Hein? Il te dit, khushu', khashi', ou bien il te dit, il cite les hadiths de Rasulillah, il te dit, al-Huwayni, il s'active dans le hadith, il travaille dans la science de l'Mustalah, Suleyman al-Alwan, ce takfiri aussi. Hein? Il a dit, hein? Ils ont dit, oh Abba Ahmed, c'est un adorateur. Hein? Alors ce savant, hein? Ce savant qui est Abu Bakr ibn Abi Shayba, hein? Il riposta, je ne vois en lui qu'un diable. La urahu illa shaytanan. Hein, vous voyez la fermeté des gens de la sunna vis-à-vis des gens d'innovation. La urahu illa shaytanan. Parce qu'il est en train de dire une parole, c'est-à-dire grave. Hein, grave, qui est donc de s'interroger sur le Coran Karim. Hein, est-ce qu'il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé? Il parle. Allah subhanahu wa ta'ala takallama bit tawrat wa l'injil wa kallama Adam. وكلم موسى تكليما وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام ويتكلم الله سبحانه وتعالى ما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. Donc là, il a dit ma urahu illa shaytanan. Je ne vois en lui qu'un diable. Fin de citation. Al-Uqayli dit dans Al-Du'afa, et Mansour ibn Ammar, le conteur, il ne rapporte pas le hadith de manière droite et il avait du tajahum. C'est-à-dire un autre savant, il l'a critiqué dans Ad-Du'afa, dans ce livre de Ad-Du'afa. Alors que si Cheikh Rabi aurait maintenant composé un livre de Ad-Du'afa parmi les innovateurs, parmi les du'ats, ils auraient crié. Alors que regardez ce livre, Ad-Du'afa, les faibles, ceux qui ne doivent pas prêcher les gens. Et il l'a cité dans Ad-Du'afa, Al-Uqayli, rahimallah, il l'a cité dans Ad-Du'afa, dans le volume 4, page 193, et il a dit Mansour ibn Ammar al-Qassas, il ne rapporte pas le hadith de manière droite et il avait du tajahum. Voilà pourquoi il a interrogé sur le Coran al-Karim. D'accord, les jahmis se caractérisent par nafil asma wa sifat, et ils se caractérisent aussi par al-jabr, dans le chapitre du destin. Ils se caractérisent par al-jabr. Ils ont donc التجاهم في الأسماء والصفات جيم التجاهم rappelez-vous de cela, ils ont التجاهم dans الأسماء والصفات et ils ont الجبر dans le destin. D'accord, الجبر un autre جيم dans le destin, et ils ont الإرجاء dans الإيمان, dans les questions de la foi ils sont des مرجئيت. D'accord, ils disent que l'إيمان c'est seulement de connaître Allah ou de dire. Et non pas qu'ils ont la définition des gens de la sunna que l'iman, qawlun wa amalun wa i'tiqad, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. D'accord, ils ont donc les trois jim. Les jahmis sont connus par trois jim. Tajahum, jabr wa irja, comme avait dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, à leur propos, il a dit jimun wa jimun wa jimun, il a dit jimun wa jimun thumma jimun ma'huma maqrunatun ma'a ahrufin biwizani. Il a dit qu'ils ont trois jim, c'est-à-dire le jim de at-tajahum et le jim de l'irja et le jim de al-jabr. Et comme a dit une fois Cheikh Fawzan Hafidallah, il a dit, et aussi ils auront le jim de Jahannam. Ils auront le jim de Jahannam. Incha'Allah ta'ala. Jaza'an mawfura. Très bien, donc là, voilà, concernant cette citation donc, que le Cheikh nous a apportée, il a dit, après cela, il a commencé, il a dit, jeudi, Qulto. Il a dit, Cheikh Abu Abdallah, jeudi, c'est ainsi que Ibn Uyayna ne fut pas trompé par lui. Et ils ont dit ce genre de critique acerbe, vis-à-vis de Mansour ibn Ammar, qui interrogea au sujet de Al-Qur'an. D'accord? Les gens de la méthodologie des historiettes, Al-Qussas, des historiettes et du laxisme, At-Tamir, vont-ils accuser Ibn Uyayna d'excès dans la critique? Est-ce que celui comme Souqassas Mohamed Hassan, est-ce qu'il va accuser Ibn Uyayna, rahimahullah, ce Jabal dans la Sunna? Est-ce qu'il va dire que il est donc عنده غلو في الجرح والتعديل? Ou bien est-ce qu'il va critiquer Abu Bakr ibn Abi Shayba? Donc là, qui a dit, je ne vois en lui qu'un shaytan. Concernant cet homme, ce Jahmi, qui avait du Tejahum quand même, plutôt que de dire un Jahmi, qui avait du Tejahum comme avait dit lui-même. Très bien, donc là, il nous cite, il nous rapporte les paroles de As-Salaf. D'accord, faites attention, regardez ce qu'ils ont dit à propos des Mubtadi'a. Al-Bukhari avait dit dans la biographie d'Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Madani al-Aslami, leur maître, Mawlahum, leur maître. Il avait l'avis du destin al-qadar. Kana indahu ra'i al-qadar. Il avait l'avis du destin al-qadar. D'après Yahya ibn Sa'id, Ibn al-Mubarak, et les gens l'ont délaissé. Abdullah ibn al-Mubarak, ainsi que Wannas, tarakou hada al-rajul. D'accord? Muhammad nous rapporta. Ibn al-Muthanna nous rapporta. Bishr ibn Umar nous rapporte. Voici ce qu'il rapporte. Malik m'avait interdit Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya ibn Abi Yahya, d'accord? Malik m'avait interdit Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, et j'ai demandé, tu me l'interdis pour le destin? Tamna'uni minhu li ajli al-qadar? Il dit, il n'est pas tellement dans sa religion. Laysa bidaka fi dini. Il n'est pas tellement dans sa religion. C'est-à-dire, regardez cette finesse dans cette réponse. Laysa bidhaka fi dini. C'est-à-dire, il n'est pas ma'moun, il n'est pas quelqu'un auquel il convient de s'asseoir. C'est pas quelqu'un qu'il convient donc de lire, dont il convient de lire les livres, ou bien d'écouter ses doros, ses ashreta et ses shorohat, et ainsi de suite. Il faut faire attention de qui on prend la science. Il a dit, laysa bidhaka fi dini. Et c'est dans Abdu'afa, la page numéro 9. Et il dit dans la biographie de Aban ibn Abi Ayyash, c'est-à-dire Al-Bukhari, il dit dans la biographie de Aban ibn Abi Ayyash, et c'est Aban ibn Fayrouz Abu Ismail Al-Basri, d'après Anas, Shu'ba avait une mauvaise opinion de lui. Rien que le fait que Shu'ba, cet imam dans la critique, avait une mauvaise opinion de lui, ça y est. Shu'ba avait une mauvaise opinion de lui. Et c'est cité dans Ad-Du'afa, la page 33. Et il dit dans la biographie de Abdel Majid ibn Rawad, je cite, il avait l'avis de l'irja, d'après son père. C'est-à-dire, selon son père, il avait l'avis de l'irja. Regardez, son père, il le critique. Son père même, il ne va pas donc cacher la chose. Il dit, non, ce fils, cet homme, il avait l'avis de l'irja. Et Al-Humaydi parlait à son sujet. Et Al-Humaydi parlait à son sujet. وَكَانِ يَتَكَلَّمُ فِيهِ الْإِمَامِ الْحُمَيْدِي. D'accord? Et Al-Humaydi parlait à son sujet. Et c'est dans Ad-Du'afa, la page 239. Là, il nous cite des fragments dans Ad-Du'afa Ad-Bukhari, qu'est-ce qu'il disait de ces gens. Hein? D'accord, regardez ces critiques virulentes et acerbes et dures. Naqd shadid. Il dit dans la biographie de Yahya ibn Bistam, je cite, il est signalé pour le destin. Muttahamun bil qadar. Il est signalé pour le destin. Et c'est toujours dans le Du'afa, maintenant page 394. Al-Bukhari avait critiqué près de 400 hommes, il a critiqué. D'accord? Al-Bukhari avait critiqué près de 400 hommes, dont Ad-Du'afa. Et An-Nasa'i, lui, en avait critiqué plus de 650 hommes, dans son livre, Fikitabé. D'accord? Regardez, c'est Muhadithi. Donc, les deux, c'est plus de 1000. Alors que Cheikh Rabi', il a critiqué moins de 30 hommes. Et ils ont fait tout cela. قامت قيامتهم على هذا الرجل على هذا العلامة على هذا السافون إيرودي. Il a critiqué moins de 30, parmi lesquels il y a des gens très très éloignés tels que Sayyid Qutb, Al-Maududi, Abu Abd al-Maududi, et ainsi de suite, Al-Halabi, et ainsi de suite. Mais puisqu'il tenait beaucoup à ses rous, Johel, à ses rous, à ses têtes, à ses chefs dans l'innovation, donc là, ils ont combattu ce savant par les rumeurs. Par les rumeurs. Au point que beaucoup de gens ne savent pas où se trouve Cheikh Rabi'. Ou bien qui est-il? Ou bien est-ce qu'il est recommandé par les gens de science? Ou bien... Et donc il a une idée que comme quoi Cheikh Rabi', ça doit être quelqu'un qui est très dur et qui critique les gens. Et qui critique les gens et ainsi de suite. Et qui ne rit pas et ainsi de suite. Et subhanallah, Cheikh Rabi', c'est un rajoul de la piété qui recommande toujours aux gens, aux musulmans, le bien, nasiha, il les recommande de s'attacher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna de son messager. Il est en train toujours de prodiguer le nasih à l'umma, et toujours, alhamdulillah, et donc c'est nasa'ih, sadida wa amiqa jiddan, c'est des nasa'ih où il y a la profondeur. J'ai écouté hier, donc il y avait une nasiha de moins d'une minute. Il y avait une daura à... Je pense que c'est une daura de Taqiyuddin Hilali, de l'imam Taqiyuddin Hilali, une daura en Allemagne. Et donc lui, il a donné donc le cours, le signal d'inauguration pour cette daura. Il a parlé pendant une minute, il est en train de rappeler taqwa, de rappeler l'attachement à Qur'an wa Sunna, de rappeler aux musulmans de s'attacher à Al-Aqida, de veiller à sa ibada, des nasa'ih ghaliya en une minute. Regardez ce tawfir que cet homme il a, parce qu'il a accordé de la valeur à la sunna du messager alayhi salatu wasalam, fa Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un tawfir. Très bien. Donc là, après cela, le cheikh il nous a montré que ces imams, ils ont critiqué beaucoup d'hommes. Et après cela, il nous donne une autre citation. Il a dit Ibrahim ibn Tahman dit plus d'un de ceux qu'on n'accuse pas nous ont rapporté que Jahm était revenu de son avis, l'avait délaissé et s'était repenti à Allah. Mais quand je me souviens de lui ou bien quand il est mentionné devant moi, j'invoque Allah contre lui. Comme il est grandiose ce qu'il légua aux gens de la Qibla de sa logique périlleuse. C'est-à-dire que ce savant, il rapporte qu'il a entendu d'après Tiqat que Jahm, il aurait revenu à la fin de sa vie, donc de son avis, de son avis d'innovation et d'égarement, et qu'il s'était repenti, d'après des gens de Tiqat. Mais lui, lorsqu'il est mentionné pour lui, qu'est-ce qu'il fait? J'invoque Allah contre lui. C'est-à-dire que ceux-là, les gens de science, ils disent même si un innovateur il se repense, toi tu continues à mettre en garde contre lui pour que les gens ne s'attachent pas à lui. Voyez, fais très attention à ceux-là. Il est permis, parce que regardez combien donc ces livres ils ont été propagés. Regardez rien que ces contemporains. Est-ce que lorsque quelqu'un il va se repentir parmi eux, est-ce que nous sommes sûrs que d'autres gens dans la planète ne sont pas toujours en train d'écouter leurs anciennes ashrita et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, nous, on continue à mettre en garde contre ces gens pour que ces critiques parviennent à un plus grand nombre. Et comme cela, s'ils étaient intelligents, ces innovateurs qui sont francophones ou arabophones ou autres, s'ils étaient intelligents, c'est que nous sommes en train de faire le bien pour eux. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas que le jour du jugement, ils vont venir avec beaucoup de suiveurs dans Ash-Shar, dans la mauvaise piste. Donc nous, on va alléger leur dos. On est en train de conseiller aux gens de les délaisser. Or, eux, ils aiment beaucoup les suiveurs. Ils ont cette fitna de Al-Jamahir, ils ont cette fitna de Shohra, de la célébrité, ils ont cette fitna, donc, des suiveurs. Ils veulent beaucoup de suiveurs, alors que ces suiveurs seront sur ton dos. Tu les as égarés. Tu auras à rendre compte de ta personne et tu auras à rendre compte de ces gens que tu égares. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارًا كَامِلَةً وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ غَيْرَ الْعِلْمِ. Ce qu'il est en train d'égarer sans les avoir même rencontrés. Mais son cours, il est parvenu en eux, jusqu'à eux, en Australie, en Asie, et en Afrique, et en Europe, et au Canada, et en Amérique. Ses livres, ou bien une parole qu'il est en train de propager sur Facebook ou ailleurs, se propage. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ces choses. Après cela, Cheikh Abu Abdallah Hafizahullah, il va passer à un autre point. Il a dit, et sur cette méthodologie éducatrice, les imams de la critique et de l'éloge ont composé leurs écrits dans la démonstration des statuts des hommes, qu'ils soient des rapporteurs ou non. Parmi les innovations qu'ils ont dit, ça, c'est, ça concerne le rouet. Alors que du'at, al-jarh wa al-ta'dil la yakhussuhum. Bala, al-jarh wa al-ta'dil yakhussu al-ruwat wa yakhussu al-du'at. Regardez, le cheikh l'a dit, qu'ils soient des rapporteurs ou non, afin de protéger cette religion face au changement, face à la falsification, face à l'invention, et afin qu'une génération d'hommes crédibles et fiables transmette après une autre, avec des chaînes propres jusqu'à ce que, nous est parvenu à notre époque pure et non pas mélangée, et donc il est préservé par Allah. Donc c'est comme ça que la religion nous est parvenue pure. Alors que si on aurait toléré les innovations, la religion va se mélanger avec la fausseté. D'accord? On te félicite donc, ô communauté des chaînes de transmission, Ummat al-Isnad, pour cette science de la critique et de l'éloge. Donc, et on a dit que c'est une science particulière aux musulmans, qu'aucune communauté n'a cette science. Ummat tafkhar bihad al-ilm. Donc là, Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim, rahimahullah, avait dit dans l'introduction de Al-Jarh wa al-Ta'dil, les pages 5 et 6, quand nous n'avons pas trouvé un moyen pour connaître l'essence du livre d'Allah, ni des sunnans du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est par le moyen de la transmission et du rapportage, illa bi an-naql wal-riwaya, il était donc obligatoire de distinguer entre les rapporteurs et les narrateurs crédibles, dignes de confiance, gens de mémorisation, de sauvegarde et d'excellence parmi eux, face aux gens d'insouciance, de doute, de mauvaise mémorisation, de mensonges et d'inventions, dit hadith faux. Quand la religion était ce qui nous est parvenu d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam avec la transmission des rapporteurs, il nous était obligatoire de les connaître, de les examiner, de chercher à connaître leur statut, de confirmer ce qu'on connaît avoir les conditions de crédibilité, al-adala, les conditions de crédibilité, l'attention dans la narration, que le jugement de crédibilité exige lors de la transmission et le rapportage du hadith, qu'ils soient dignes de dépôt en eux-mêmes, sachant leur religion, gens de dévotion, de piété, de mémorisation du hadith, d'excellence et de scrupule en sa matière, qu'ils soient des gens de discernement et d'apprentissage, qui ne sont pas entachés de grands oublis, ni assujettis à des doutes dans ce qu'ils ont appris et intériorisé, qui n'est pas pour eux objet de confusion à cause d'ambiguïté. C'est-à-dire, regardez les critères des gens de science, dans ceux desquels ils vont détenir les ahadiths, hein, et de séparer d'eux ceux qui sont critiqués par les gens crédibles, مجروحين من الأمناء من الثقات من العدول, critiqués par les gens crédibles qui ont montré leurs défauts et leurs mensonges. Mohamed Hassan, c'est un menteur, كذاب, c'est des menteurs, يكذبون, subhanallah, c'est un menteur. Donc, qui ont montré leurs défauts et dans leurs mensonges, ce qui les traverse d'insouciance, de mauvais apprentissage, d'erreurs répétées, d'oublis et de confusion, afin de connaître par là les preuves de cette religion et ses phares. Liyuraf ad-din wa yuraf alamatu. Les dépositaires d'Allah dans sa terre pour son livre et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens sont bien ceux de la crédibilité. Ils doivent s'accrocher à ce qu'ils ont narré. Ils s'appuient dessus. Ils jugent avec. Et les affaires de la religion sont dirigées conformément à ces textes. D'accord? C'est parce que cela, ça, c'est la religion. Et cela permet de connaître les gens du mensonge par supputation. بالتخرص. من يكذب لأنه لا يتذكر حقيقة جيدا فيكذب. بتخرص. Et ceux du mensonge par doute, bishak. Ceux d'insouciance, ghafla. Ceux de doute, de l'awham, d'erreur, l'akhta, et les mauvais apprentissages. Leur statut est donc connu, ainsi que le genre de leur version. Anwa' riwayatihim. Si c'est du mensonge, c'est donc du mensonge. Ou cesser du doute, c'est donc du doute. Ou cesser de l'erreur. Voici donc les gens de la critique. Cela fait tomber le hadith de celui dont le hadith doit tomber. Qu'on ne le prenne pas en considération. On n'œuvre pas avec. Et l'on écrit le hadith de celui dont il est obligatoire de l'écrire afin de le prendre en considération. Et il rentre dans le hadith de l'un d'eux. Les bienséances, les bonnes exhortations, les prêches, l'incitation, l'intimidation, etc. C'est-à-dire, regardez les critères scrupuleux des gens de science et comment ils en distinguent chacun. Chacun, celui-là, il a l'ouham, celui-là, il a l'oubli, celui-là, il a le kadhib, celui-là, il a le takharros, celui-là, il a le ghafla. Donc là, ils ont répertorié cela. Et maintenant, ils disent, là, tout s'en est. Ne catégorisez pas les gens, ne classez pas les gens, vous êtes des gens qui classent les gens, vous classez les gens, antum tusannifuna an-nas. Tasnif hada min al-islam, Allah sannaf kuffar, mushrikoun, munafiqoun, mu'minoun, et donc tasnif hada min manhaj Allah azza wa jalla, min manhaj rasouli alayhi salatu wa sallam. Les gens ne sont pas à pied d'égalité, les gens diffèrent, ils sont classés en des catégories. Et comme avait écrit donc Cheikh Ibn Barjis rahimahullah, qui est mort jeune, il est mort à l'âge de 38 ans suite à un accident, ce savant qui était qui avait l'aqab, le surnom de Al-Uthaymin al-Saghir, c'est-à-dire il disait qu'il était très donc fort dans la science et il avait beaucoup d'intelligence. Il disait que c'était comme Al-Uthaymin, Al-Uthaymin al-Saghir. Donc là, ce savant, il a écrit un livre qui s'intitule Ar-raddu al-ilmi ala munkiri at-tasnif. La réfutation scientifique contre ceux qui renient la catégorisation ou le classement des gens. Ar-raddu al-ilmi de le kitab al-sunna ala munkiri at-tasnif. Et donc, après cette citation, Cheikh Abu Abd al-A'la, il va nous apporter une citation magnifique aussi, de l'un des imams de l'islam et qui est Al-Jawjazani. Il a dit, Al-Jawjazani avait dit dans son introduction sur Ahwal al-Rijal, sa citation. Et je vais les décrire selon leur rang et appartenance. Il en est le déviant par rapport à la vérité, le menteur dans sa parole. Voilà, on classe les gens. Il en est le menteur dans sa parole. Comme dans sa parole, dont je n'ai pas entendu qu'il serait caractérisé par une innovation. D'accord? Mais il suffit du mensonge comme innovation. D'accord. Il en est qui ment. Parce qu'il est un innovateur. Il en est qui ment. Mais on ne connaît pas qu'il soutenait une innovation quelconque, telle que Rafi, et ainsi de suite. Mais il a dit, mais faites attention, il suffit du mensonge comme innovation. Et il en est le déviant à la vérité. Hein? Le sincère dans son temps, Sadiq al-Lahja. Mais il n'a pas de tawfiq. Il n'est pas sur la bonne piste. Sadiq al-Lahja, mais il a dévié par rapport à la vérité. Comme avait dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, combien de gens qui veulent le bien mais qui ne vont pas l'atteindre parce que eux, ils ont commis une erreur qui fait qu'ils ne vont pas atteindre la vérité. Ils ne sont pas allés donc vers la vérité avec Qawa'id al-Sunnah al-Jama'a. Donc il a raté le haq. D'accord, hein? Il a dit ici, et il en est le déviant à la vérité, le sincère dans son temps, dans le hadith a circulé parmi les hommes, alors qu'il n'avait pas de succès dans la propagation de son innovation. Il n'était pas en train de propager son innovation, mais son hadith, il s'est propagé parmi les gens, hein, mais il n'était pas en train de soutenir une innovation. Et il était digne de confiance dans ce qu'il rapporte. D'accord? Pour moi, il n'y a pas d'autre moyen envers ces gens si ce n'est de recevoir son hadith à condition de ne pas savoir qu'il renforce son innovation. Hein? Auquel cas, on les accuserait donc. C'est-à-dire qu'ils sont en train de classer les choses. Hein? De classer les choses pour voir quel hadith il va, par exemple, renforcer tel autre, et ainsi de suite. Hein? Il en est le faible dans son hadith, dont il n'est pas permis à un homme de religion d'argumenter par son hadith à lui seul, bi hadithi faqat, hein, à moins que ne le renforce celui de quelqu'un plus fort que lui, auquel cas on le prend en considération. Et il a dit, je commence donc par mentionner les khawarij. Il va commencer, après ce critère, il va dire, et voici maintenant, je vous cite les noms. Et je commencerai par citer les khawarij. Il va nous donner des noms des khawarij, hein, dont ils n'ont pas pris le hadith. Hein? Donc là, on va nous arrêter, inshallah, sur cette partie. Walhamdulillahi rabbil alamin.